Un jour, Cosette, regardant par hasard dans son miroir, se dit qu'elle était jolie. Le lendemain, non, je suis laide. Un jour, enfin, il y avait 3 mois qu'elle ne s'était regardée, elle poussa un cri. Elle était belle et jolie. De son côté, Jean Valjean éprouvait un profond et indéfinissable serrement de cœur. Cet homme, qui avait passé par toutes les détresses, ne demandait à la Providence, aux hommes, aux lois, à la société, à la nature, au monde, qu'une chose, que Cosette continuât de l'aimer. Dès le lendemain du jour où elle s'était dit « Décidément, je suis belle », Cosette fit attention à sa toilette. Avec la foi en sa beauté, toute l'âme féminine s'épanouit en elle. En moins d'un mois, la petite Cosette fut dans cette thébaïde de la rue de Babylone une des femmes, non seulement les plus jolies, mais les mieux mises de Paris. Le fait est qu'elle était ravissante de tout point. Jean Valjean considérait ses ravages avec anxiété. À partir de ce moment, il remarqua que Cosette, qui autrefois demandait toujours à rester, demandait maintenant toujours à sortir. Ce fut à cette époque que Marius, après 6 mois écoulés, la revit au Luxembourg. À cette certaine heure où Cosette eut, sans le savoir, ce regard qui troubla Marius, Marius ne se douta pas que lui aussi eut un regard qui troubla Cosette. Cosette ne savait pas ce que c'était que l'amour. Elle aimait avec d'autant plus de passion qu'elle aimait avec ignorance. Elle attendait tous les jours l'heure de la promenade avec impatience. Elle y trouvait Marius, se sentait indiciblement heureuse et croyait sincèrement exprimer toute sa pensée en disant à Jean Valjean « Quel délicieux jardin que ce Luxembourg !» La vieille, éternelle mère nature avertissait sourdement Jean Valjean de la présence de Marius. Jean Valjean détestait cordialement ce jeune homme. Il en avait dans le cœur un tremblement douloureux. La minute où Cosette aimerait pouvait sonner d'un instant à l'autre. Dès lors, Jean Valjean fixait sur Marius des yeux étincelants et terribles. C'était un dogue qui regarde un voleur. On sait le reste. 8 jours après, Jean Valjean avait déménagé. Cosette ne se plaignit pas. Elle ne dit rien. Elle ne fit plus de questions. Seulement, il remarqua qu'elle était devenue triste et il devint sombre. Les manières de Jean Valjean étaient plus tendres et plus paternelles que jamais. Mais, de son côté, Cosette languissait. Ces deux êtres, qui s'étaient si exclusivement aimés et d'un si touchant amour, et qui avaient vécu longtemps l'un pour l'autre, souffraient maintenant l'un à côté de l'autre. L'un à cause de l'autre sans se le dire, sans s'en vouloir, et en souriant. Leur vie s'assombrissait ainsi par degrés. Ce fut à cette époque qu'ils firent visite au bout de Jondrette. Le lendemain de cette visite, Jean Valjean parut le matin avec une large blessure au bras gauche. Il ne voulut voir aucun médecin. Cosette passait presque toutes ses journées près de Jean Valjean. Jean Valjean renaissait. Son bonheur était tel que la fraise trouvaille des Thénardier, faite au bout de Jondrette et si inattendue, avait en quelque sorte glissé sur lui. Les voilà en prison, et désormais hors d'état de nuire. Le printemps arrivait, et pour oublier à son père, Cosette reprit ses promenades dans son jardin. Jean Valjean, enivré, la voyait redevenir vermeille et fraîche. Une fois sa blessure guérie, il avait repris ses promenades solitaires et crépusculaires.